Chapitre 5. Le lendemain, Nic Deck et le docteur Patak se préparaient à partir sur les 9 heures du matin. L'intention du forestier était de remonter le col de Vulcan en se dirigeant par le plus court vers le bourg suspect. Après le phénomène de la fumée du donjon, après le phénomène de la voix entendue dans la salle du roi Mathias, on ne s'étonnera pas que toute la population fût comme affolée. Quelques tziganes parlaient déjà d'abandonner le pays. Dans les familles, on ne causait plus que de cela, et à voix basse encore. Allez donc contester qu'il y eut du diable, du chore, dans cette phrase si menaçante pour le jeune forestier. Ils étaient là, à l'auberge de Jonas, une quinzaine, et des plus dignes d'être crus, qui avaient entendu ces étranges paroles. Prétendre qu'ils avaient été dupes de quelque illusion d'essence, cela était insoutenable. Pas de doute à cet égard. Nic Deck avait été nominativement prévenu qu'il lui arriverait malheur s'il s'entêtait à son projet d'explorer le château des Carpates. Et pourtant le jeune forestier se disposait à quitter Werst, et sans y être forcé. En effet, quelque profit que Maître Coltz eût à éclaircir le mystère du bourg, quelque intérêt que le village eût à savoir ce qui s'y passait, de pressantes démarches avaient été faites pour obtenir de Nic Deck qu'il revînt sur sa parole. Éploré, désespéré, ses beaux yeux noyés de larmes, Myriota l'avait supplié de ne point s'obstiner à cette aventure. Avant l'avertissement donné par la voix, c'était déjà grave. Après l'avertissement, c'était insensé. Et à la veille de son mariage, voilà que Nic Deck voulait risquer sa vie dans une pareille tentative, et sa fiancée qui se traînait à ses genoux ne parvenait pas à le retenir. Ni les objurgations de ses amis, ni les pleurs de Myriota n'avaient pu influencer le forestier. D'ailleurs, cela ne surprit personne. On connaissait son caractère indomptable, sa ténacité, disons son entêtement. Il avait dit qu'il irait au château des Carpates, et rien ne saurait l'en empêcher, pas même cette menace qui lui avait été adressée directement. Oui, il irait au bourg, dut-il n'en jamais revenir. Lorsque l'heure de partir fut arrivée, Nic Deck pressa une dernière fois Myriota sur son cœur, tandis que la pauvre fille se signait du pouce, de l'index et du médius, suivant cette coutume roumaine qui est un hommage à la Sainte Trinité. Et le docteur Patak? Eh bien, le docteur Patak, mis en demeure d'accompagner le forestier, avait essayé de se dégager, mais sans succès. Tout ce qu'on pouvait dire, il l'avait dit. Toutes les objections imaginables, il les avait faites. Il s'était retranché derrière cette injonction si formelle de ne point aller au château, qui avait été distinctement entendu. Cette menace ne concerne que moi, s'était borné à lui répondre Nic Deck. Et s'il t'arrivait malheur, forestier, avait répondu le docteur Patak, est-ce que je m'en tirerais sans dommage? Dommage ou non, vous avez promis de venir avec moi au château, et vous y viendrez, puisque j'y vais. Comprenant que rien ne l'empêcherait de tenir sa promesse, les gens de Werst avaient donné raison au forestier sur ce point. Mieux valait que Nic Deck ne se hasardât pas seul en cette aventure. Aussi, le très dépité docteur, sentant qu'il ne pouvait plus reculer, que c'eût été compromettre sa situation dans le village, qu'il se serait fait honnir après ses forfanteries accoutumées, se résigna, l'âme pleine d'épouvante. Il était bien décidé d'ailleurs à profiter du moindre obstacle de route qui se présenterait pour obliger son compagnon à revenir sur ses pas. Nic Deck et le docteur Patak partirent donc, et Maître Coltz, le magister Hermod, Frick, Jonas, leur firent la conduite jusqu'au tournant de la grande route où ils s'arrêtèrent. De cet endroit, Maître Coltz braqua une dernière fois sa lunette, elle ne le quittait plus, dans la direction du bourg. Aucune fumée ne se montrait à la cheminée du donjon, et il eût été facile de l'apercevoir sur un horizon très pur par une belle matinée de printemps. Devait-on en conclure que les hôtes naturels ou surnaturels du château avaient déguerpi en voyant que le forestier ne tenait pas compte de leurs menaces? Quelques-uns le pensèrent, et c'était là une raison décisive pour mener l'affaire jusqu'à complète satisfaction. On se serra la main, et Nic Deck, entraînant le docteur, disparut à l'angle du col. Le jeune forestier était en tenue de tournée. Casquette galonnée à large visière, veste à ceinturon avec le coutelas engainé, culotte bouffante, bottes ferrées, cartouchière au rein, le long fusil sur l'épaule. Il avait la réputation justifiée d'être un très habile tireur. Et comme, à défaut de revenants, on pouvait rencontrer de ces rôdeurs qui battent les frontières, ou, à défaut de rôdeurs, quelques ours mal intentionnés, il n'était que prudent d'être en mesure de se défendre. Quant au docteur, il avait cru devoir s'armer d'un vieux pistolet à pierre qui ratait 3 coups sur 5. Il portait aussi une hachette que son compagnon lui avait remise pour le cas probable où il serait nécessaire de se frayer passage à travers les épais taillis du plaisat. Coiffé du large chapeau des campagnards, boutonné sous son épaisse cape de voyage, il était chaussé de bottes à grosse ferrure et ce n'est pas toutefois ce lourd attirail qui l'empêcherait de décamper si l'occasion s'en présentait. Nigdek et lui s'étaient également munis de quelques provisions contenues dans leur bissac, afin de pouvoir, au besoin, prolonger l'exploration. Après avoir dépassé le tournant de la route, Nigdek et le docteur Patak marchèrent plusieurs centaines de pas le long d'une iade en remontant sa rive droite. De suivre le chemin qui circule à travers les ravins du massif, cela les eût trop écartés vers l'ouest. Il eût été plus avantageux de pouvoir continuer à côtoyer le lit du torrent, ce qui eût réduit la distance d'un tiers, car le Niyad prend sa source entre les replis du plateau d'Orgal. Mais, d'abord praticable, la berge, profondément ravinée et barrée de hautes roches, n'aurait plus livré passage. Il y avait dès lors nécessité de couper obliquement vers la gauche, quitte à revenir sur le château lorsqu'ils auraient franchi la zone inférieure des forêts du Plaisat. C'était d'ailleurs le seul côté par lequel le bourg fut abordable. Au temps où il était habité par le comte Rodolphe de Gortz, la communication entre le village de Werst, le col de Vulcan et la vallée de la Silvalac se faisait par une étroite percée qui avait été ouverte en suivant cette direction. Mais livrée depuis 20 ans aux envahissements de la végétation, obstruée par l'inextricable fouillis des broussailles, c'est en vain qu'on y eût cherché la trace d'une sente ou d'une tortillière. Au moment d'abandonner le lit profondément encaissé d'une iade que remplissait une eau mugissante, Nigdek s'arrêta afin de s'orienter. Le château n'était déjà plus visible. Il ne le redeviendrait qu'au-delà du rideau des forêts qui s'étageait sur les bas-côtés de la montagne, disposition commune à tout le système orographique des Carpates. L'orientation devait donc être difficile à déterminer, faute de repères. On ne pouvait l'établir que par la position du soleil, dont les rayons affleuraient alors les lointaines crêtes vers le sud-est. « Tu le vois, forestier ? » dit le docteur. « Tu le vois ? Il n'y a pas même de chemin, ou plutôt il n'y en a plus. » « Il y en aura, » répondit Nigdek. « C'est facile à dire, Nick. »« Et facile à faire, Patak. »« Ainsi, tu es toujours décidé ?» Le forestier se contenta de répondre par un signe affirmatif et prit route à travers les arbres. À ce moment, le docteur éprouva une fière envie de rebrousser chemin. Mais son compagnon, qui venait de se retourner, lui jeta un regard si résolu que le poltron ne jugea pas à propos de rester en arrière. Le docteur Patak avait encore un dernier espoir, c'est que Nigdek ne tarderait pas à s'égarer au milieu du labyrinthe de ces bois où son service ne l'avait jamais amené. Mais il comptait sans ce flair merveilleux, cet instinct professionnel, cette aptitude animale, pour ainsi dire, qui permet de se guider sur les moindres indices. Projection des branches en telle ou telle direction, dénivellation du sol, teinte des écorces, nuances variées des mousses selon qu'elles sont exposées au vent du sud ou du nord. Nigdek était trop habile en son métier. Il l'exerçait avec une sagacité trop supérieure pour se jamais perdre, même en des localités inconnues de lui. Il eût été le digne rival d'un bas de cuir ou d'un Chingachgook au pays de Cooper. Et pourtant, la traversée de cette zone d'arbres allait offrir de réelles difficultés. Des ormes, des hêtres, quelques-uns de ces érables qu'on nomme faux platanes, de superbes chênes, en occupaient les premiers plans jusqu'à l'étage des bouleaux, des pins et des sapins, massés sur les croupes supérieures à la gauche du col. Magnifiques ces arbres, avec leurs troncs puissants, leurs branches chaudes de sève nouvelle, leur feuillage épais s'entremêlant de l'un à l'autre pour former une cime de verdure que les rayons du soleil ne parvenaient pas à percer. Cependant, le passage eût été relativement facile en se courbant sous les basses branches. Mais quels obstacles à la surface du sol, et quel travail il aurait fallu pour l'essarter, pour le dégager des orties et des ronces, pour se garantir contre ces milliers d'échardes que le plus léger attouchement leur arrache. Nic-Deck n'était pas homme à s'en inquiéter, d'ailleurs, et pourvu qu'il pût gagner à travers bois, il ne se préoccupait pas autrement de quelques égratignures. La marche, il est vrai, ne pouvait être que très lente dans ces conditions. Fâcheuse aggravation, car Nic-Deck et le docteur Patak avaient intérêt à atteindre le bourg dans l'après-midi. Il ferait encore assez jour pour qu'ils puissent le visiter, ce qui leur permettrait d'être rentrés à Werst avant la nuit. Aussi, la hachette à la main, le forestier travaillait-il à se frayer un passage au milieu de ces profondes épinets, hérissées de baïonnettes végétales, où le pied rencontrait un terrain inégal, raboteux, bossu de racines ou de souches, contre lesquelles il butait quand il ne s'enfonçait pas dans une humide couche de feuilles mortes que le vent n'avait jamais balayée. Des myriades de cosses éclataient comme des pois fulminants, au grand effroi du docteur qui sursautait à cette pétarade, regardant à droite et à gauche, se retournant avec épouvante, lorsque quelques sarments s'accrochaient à sa veste, comme une griffe qui eût voulu le retenir. Il n'était point rassuré, le pauvre homme, mais maintenant il n'eût pas osé revenir seul en arrière, et il s'efforçait de ne point se laisser distancer par son intraitable compagnon. Parfois, dans la forêt, apparaissaient de capricieuses éclaircies. Une averse de lumière y pénétrait. Des couples de cigognes noires, troublés dans leur solitude, s'échappaient des hautes ramures et filaient à grands coups d'ailes. La traversée de ces clairières rendait la marche plus fatigante encore. Là, en effet, s'étaient entassés, énormes jeux de jonchets, les arbres abattus par l'orage ou tombés de vieillesse, comme si la hache du bûcheron leur eût donné le coup de mort. Là gisaient d'énormes troncs, rongés de pourriture, qu'aucun charrois ne devait entraîner jusqu'au lit de la Silvalac. Devant ces obstacles, rudes à franchir, parfois impossibles à tourner, Nic-Deck et son compagnon avaient fort à faire. Si le jeune forestier, agile, souple, vigoureux, parvenait à s'en tirer, le docteur Patak, avec ses jambes courtes, son ventre bedonnant, essoufflé, époumonné, ne pouvait éviter des chutes qui obligeaient à lui venir en aide. « Tu verras, Nic, que je finirai par me casser quelques membres, » répétait-il. Vous le raccommoderez. Allons, forestier, sois raisonnable. Il ne faut pas s'acharner contre l'impossible. Bah, Nic-Deck était déjà en avant, et le docteur, n'obtenant rien, se hâtait de le rejoindre. La direction suivie jusqu'alors, était-ce bien celle qui convenait pour arriver en face du bourg? Il eût été malaisé de s'en rendre compte. Cependant, puisque le sol ne cessait de monter, il y avait lieu de s'élever vers la lisière de la forêt qui fut atteinte à 3 heures de l'après-midi. Au-delà, jusqu'au plateau d'Orgal, s'étendait le rideau des arbres verts, plus clairsemés à mesure que le versant du massif gagnait en altitude. En cet endroit, le Niyade reparaissait au milieu des roches, soit qu'il se fût infléchi au nord-ouest, soit que Nic-Deck eût obliqué vers lui. Cela donna au jeune forestier la certitude qu'il avait fait bonne route, puisque le ruisseau semblait sourdre des entrailles du plateau d'Orgal. Nic-Deck ne put refuser au docteur une heure de halte au bord du torrent. D'ailleurs, l'estomac réclamait son dû, aussi impérieusement que les jambes. Les bissacs étaient bien garnis. Le raquiou remplissait la gourde du docteur et celle de Nic-Deck. En outre, une eau limpide et fraîche, filtrée aux cailloux du fond, coulait à quelques pas. Que pouvait-on désirer de plus? On avait beaucoup dépensé. Il fallait réparer la dépense. Depuis leur départ, le docteur n'avait guère eu le loisir de causer avec Nic-Deck, qui le précédait toujours. Mais il se dédommagea, dès qu'ils furent assis tous les deux sur la berge du Niyade. Si l'un était peu loquace, l'autre était volontiers bavard. D'après cela, on ne s'étonnera pas que les questions fussent très prolixes et les réponses très brèves. « Parlons un peu, forestier, et parlons sérieusement, » dit le docteur. « Je vous écoute, » répondit Nic-Deck. Je pense que si nous avons fait halte en cet endroit, c'est pour reprendre des forces. Rien de plus juste. Avant de revenir à Werst. Non, avant d'aller au bourg. Voyons, Nic, voilà 6 heures que nous marchons, et c'est à peine si nous sommes à mi-route. Ce qui prouve que nous n'avons pas de temps à perdre. Mais il fera nuit lorsque nous arriverons devant le château. Et comme j'imagine, forestier, que tu ne seras pas assez fou pour te risquer sans voir clair, il faudra attendre le jour. Nous l'attendrons. Ainsi, tu ne veux pas renoncer à ce projet qui n'a pas le sens commun ? Non. Comment ? Nous voici exténués, ayant besoin d'une bonne table dans une bonne salle et d'un bon lit dans une bonne chambre, et tu songes à passer la nuit en plein air ? Oui, si quelque obstacle nous empêche de franchir l'enceinte du château. Et s'il n'y a pas d'obstacle ? Nous irons coucher dans les appartements du donjon. Les appartements du donjon ? S'écria le docteur Patak. Tu crois, forestier, que je consentirai à rester toute une nuit à l'intérieur de ce maudit bourg ? Sans doute, à moins que vous ne préfériez demeurer seul au dehors. Seul, forestier ? Ce n'est point ce qui est convenu. Et si nous devons nous séparer, j'aime encore mieux que ce soit en cet endroit pour retourner au village. Ce qui est convenu, docteur Patak, c'est que vous me suivrez jusqu'où j'irai. Le jour, oui, la nuit, non. Eh bien, libre à vous de partir, et tâchez de ne point vous égarer sous les futaies. S'égarer, c'est bien ce qui inquiétait le docteur. Abandonné à lui-même, n'ayant pas l'habitude de ces interminables détours à travers les forêts du Plaisat, il se sentait incapable de reprendre la route de Werst. D'ailleurs, d'être seul, lorsque la nuit serait venue, une nuit très noire peut-être, de descendre les pentes du col au risque de choir au fond d'un ravin, ce n'était pas pour lui agréé. Quitte à ne point escalader la courtine, quand le soleil serait couché, si le forestier s'y obstinait, mieux valait le suivre jusqu'au pied de l'enceinte. Mais le docteur voulut tenter un dernier effort pour arrêter son compagnon. « Tu sais bien, mon cher Nick, reprit-il, que je ne consentirai jamais à me séparer de toi. Puisque tu persistes à te rendre au château, je ne te laisserai pas y aller seul. » Bien parlé, docteur Patak, et je pense que vous devriez vous en tenir là. Non, encore un mot, Nick. S'il fait nuit lorsque nous arriverons, promets-moi de ne pas chercher à pénétrer dans le bourg. Ce que je vous promets, docteur, c'est de faire l'impossible pour y pénétrer. C'est de ne pas reculer d'une semelle, tant que je n'aurai pas découvert ce qui s'y passe. Ce qui s'y passe, forestier ? S'écria le docteur Patak en haussant les épaules. « Mais que veux-tu qu'il s'y passe ?»« Je n'en sais rien, et comme je suis décidé à le savoir, je le saurai. »« Encore faut-il pouvoir y arriver, à ce château du diable ?» répliqua le docteur qui était à bout d'arguments. « Or, si j'en juge par les difficultés que nous avons éprouvées jusqu'ici, et par le temps que nous a coûté la traversée des forêts du Plaisat, la journée s'achèvera avant que nous soyons en vue. » « Je ne le pense pas, » répondit Nic Deck. « Sur les hauteurs du massif, les sapinières sont moins embroussaillées que ces futaies d'ormes, d'érables et de hêtres. Mais le sol sera rude à monter. Qu'importe s'il n'est pas impraticable. Mais je me suis laissé dire que l'on rencontrait des ours aux environs du plateau d'Orgal. J'ai mon fusil et vous avez votre pistolet pour vous défendre, docteur. Mais si la nuit vient, nous risquons de nous perdre dans l'obscurité. » « Non, car nous avons maintenant un guide qui, je l'espère, ne nous abandonnera plus. »« Un guide ? » s'écria le docteur. Et il se releva brusquement pour jeter un regard inquiet autour de lui. « Oui, répondit Nic Deck, et ce guide, c'est le torrent du Niade. Il suffira de remonter sa rive droite pour atteindre la crête même du plateau où il prend sa source. Je pense donc qu'avant 2 heures, nous serons à la porte du bourg si nous nous remettons sans tarder en route. » « Dans 2 heures, à moins que ce ne soit dans 6. »« Allons, êtes-vous prêt ?»« Déjà, Nick, déjà ? Mais c'est à peine si notre halte a duré quelques minutes. »« Quelques minutes qui font une bonne demi-heure. Pour la dernière fois, êtes-vous prêt ?»« Prêt, lorsque les jambes me pèsent comme des masses de plomb. Tu sais bien que je n'ai pas tes jarrets de forestier, Nic Deck. Mes pieds sont gonflés et c'est cruel de me contraindre à te suivre. » « À la fin, vous m'ennuyez, Patak. Je vous laisse libre de me quitter. Bon voyage !» Et Nic Deck se releva. « Pour l'amour de Dieu, forestier !» s'écria le docteur Patak. « Écoute encore. »« Écoutez vos sottises ? » ?»« Voyons, puisqu'il est déjà tard, pourquoi ne pas rester en cet endroit ? Pourquoi ne pas camper sous l'abri de ces arbres ? Nous repartirions demain dès l'aube et nous aurions toute la matinée pour atteindre le plateau. »« Docteur !» répondit Nic Deck. « Je vous répète que mon intention est de passer la nuit dans le bourg. »« Non, s'écria le docteur. « Non, tu ne le feras pas, Nick. Je saurai bien t'en empêcher. »« Vous ? » ?»« Je m'accrocherai à toi. Je t'entraînerai. Je te battrai s'il le faut. » Il ne savait plus ce qu'il disait, l'infortuné Patak. Quant à Nick Deck, il ne lui avait même pas répondu. Et après avoir remis son fusil en bandoulière, il fit quelques pas en se dirigeant vers la berge du Niyad. « Attends ! Attends !» s'écria piteusement le docteur. « Que diable d'homme ! Un instant encore. J'ai les jambes raides. Mes articulations ne fonctionnent plus. » Elles ne tardèrent pourtant pas à fonctionner, car il fallut que l'ex-infirmier fît trotter ses petites jambes pour rejoindre le forestier qui ne se retournait même pas. Il était 4 heures. Les rayons du soleil, effleurant la crête du Plaisat, qui ne tarderait pas à les intercepter, éclairaient d'un jet oblique les hautes branches de la sapinière. Nick Deck avait grandement raison de se hâter, car ses dessous de bois s'assombrissent en peu d'instants au déclin du jour. Curieux et étrange aspect que celui de ces forêts où se groupent les rustiques essences alpestres. Au lieu d'arbres contournés, déjetés, grimaçants, se dressent des fûts droits, espacés, dénudés jusqu'à 50 et 60 pieds au-dessus de leurs racines, des troncs sans nodosité qui étendent comme un plafond leur verdure persistante. Peu de broussailles ou d'herbes enchevêtrées à leur base. De longues racines, rampant à fleur de terre, semblables à des serpents engourdis par le froid. Un sol tapissé d'une mousse jaunâtre et rase, faufilé de brindilles sèches et semé de pommes qui crépitent sous le pied. Un taluret sillonné de roches cristallines dont les arêtes vives entament le cuir le plus épais. Aussi le passage fut-il rude au milieu de cette sapinière sur un quart de mille. Pour escalader ces blocs, il fallait une souplesse de rein, une vigueur de jarret, une sûreté de membres qui ne se retrouvaient plus chez le docteur Patak. Nick Deck n'eut mis qu'une heure s'il eût été seul, et il lui en coûta 3 avec l'impedimentum de son compagnon s'arrêtant pour l'attendre, l'aidant à se hisser sur quelques roches trop hautes pour ses petites jambes. Le docteur n'avait plus qu'une crainte, crainte effroyable, c'était de se trouver seul au milieu de ces mornes solitudes. Cependant, si les pentes devenaient plus pénibles à remonter, les arbres commençaient à se raréfier sur la haute croupe du Plaisat. Ils ne formaient plus que des bouquets isolés de dimensions médiocres. Entre ces bouquets, on apercevait la ligne des montagnes qui se dessinaient à l'arrière-plan et dont les linéaments émergeaient encore des vapeurs du soir. Le torrent du Niyad, que le forestier n'avait cessé de côtoyer jusqu'alors, réduit à ne plus être qu'un ruisseau, devait sourdre à peu de distance. À quelques centaines de pieds au-dessus des derniers plis du terrain, s'arrondissait le plateau d'Orgal, couronné par les constructions du bourg. Nick Deck atteignit enfin ce plateau, après un dernier coup de collier qui réduisit le docteur à l'état de masse inerte. Le pauvre homme n'aurait pas eu la force de se traîner 20 pas de plus, et il tomba comme le bœuf qui s'abat sous la masse du boucher. Nick Deck se ressentait à peine de la fatigue de cette rude ascension. Debout, immobile, il dévorait du regard ce château des Carpates dont il ne s'était jamais approché. Devant ses yeux se développait une enceinte crénelée, défendue par un fossé profond et dont l'unique pont-levis était redressé contre une poterne qu'encadrait un cordon de pierre. Autour de l'enceinte, à la surface du plateau d'Orgal, tout était abandon et silence. Un reste de jour permettait d'embrasser l'ensemble du bourg, qui s'estompait confusément au milieu des ombres du soir. Personne ne se montrait au-dessus du parapet de la courtine. Personne sur la plateforme supérieure du donjon, ni sur la terrasse circulaire du premier étage. Pas un filet de fumée ne s'enroulait autour de l'extravagante girouette rongée d'une rouille séculaire. « Eh bien, forestier, demanda le docteur Patak, conviendras-tu qu'il est impossible de franchir ce fossé, de baisser ce pont-levis ? D'ouvrir cette poterne ? Nick Deck ne répondit pas. Il se rendait compte qu'il serait nécessaire de faire halte devant les murs du château. Au milieu de cette obscurité, comment aurait-il pu descendre au fond du fossé et s'élever le long de l'escarpe pour pénétrer dans l'enceinte ? Évidemment, le plus sage était d'attendre l'aube prochaine afin d'agir en pleine lumière. C'est ce qui fut résolu, au grand ennui du forestier, mais à l'extrême satisfaction du docteur.